Chant numéro 7. Hosanna sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felice ignes horum Malakoth. Ainsi, faisant retour aux notes de son chant, je vis bientôt après chanter cette substance, sur laquelle se joint une double clarté. Avec d'autres esprits, elle reprit sa danse, et comme un grand envol d'étincelles rapides, ils plongèrent au fond des distances soudaines. Il me restait un doute, et je pensais, « Dis-lui, dis-le-lui, dis-le-lui, » me disais-je, « à madame qui sait calmer ma soif avec de douces gouttes. » Cependant, la ferveur qui s'empare de moi, quand j'entends seulement prononcer B ou Is, me tenait engourdi, comme lorsqu'on s'endort. Béatrice ne put me voir dans cet état, et elle commença, m'éclairant d'un sourire, qui me rendrait heureux même au milieu du feu. Ma perspicacité qui voit tout m'avertit que tu ne parviens pas à comprendre pourquoi il convient de punir une juste vengeance. Mais j'aurais vite fait de supprimer tes doutes. Écoute-moi donc bien, parce que mes paroles t'apporteront le don de vérité profonde. N'ayant pas accepté de mettre un frein utile à son vouloir, celui qui fut homme sans être damna toute sa race en se damnant lui-même. Par lui, l'espèce humaine est demeurée infirme, dans une grande erreur, pendant beaucoup de siècles, jusqu'au jour où, de Dieu, le Verbe est descendu et daigna réunir la nature éloignée de son premier auteur à sa propre personne par la seule vertu de l'amour éternel. Réfléchis maintenant à ce que je te dis. Cette même nature, unie au Créateur, telle qu'il l'avait faite, était bonne et sans tache. Mais par sa propre faute, elle se vit ensuite bannir du paradis pour avoir délaissé la route véridique et son propre chemin. Ainsi, le châtiment imposé par la croix fut, en considérant la nature empruntée, plus juste que nul autre, avant ou bien depuis. Mais on ne fit jamais une plus grande offense si l'on pense à celui qui l'a dû supporter et à qui s'ajoutait la nature nouvelle. C'est pourquoi l'acte unique eut des effets divers. Cette mort plut à Dieu en même temps qu'aux Juifs. Elle ébranla la terre et fit s'ouvrir le ciel. Il ne te sera plus difficile d'admettre qu'on dise désormais qu'une juste vengeance fut vengée à son tour par une juste cour. Mais je vois maintenant ton esprit s'embrouiller de pensée en pensée jusqu'à former un nœud dont il est désireux de se voir dépêtré. Tu te dis, je comprends très bien ce que j'entends, mais j'ignore toujours pourquoi précisément Dieu choisit ce moyen pour racheter les hommes. Frère, ce décret-là demeure enseveli au regard de tous ceux qui n'ont pas encore pu sublimer leur esprit aux flammes de l'amour. Pourtant, comme ce but a bien souvent été regardé, sous-pesé, bien mal interprété, je te dirai pourquoi ce moyen fut plus digne. La divine bonté, qui brûle en elle-même et qui repousse au loin toute pensée égoïste, dispense son éclat aux beautés éternelles. Ce qui dérive d'elle immédiatement ne connaît pas de fin. La marque de son coin demeure inaltérable une fois mis le sceau. Ce qui dérive d'elle immédiatement est libre tout à fait, car il n'est pas soumis aux vertus des objets nouvellement créés. Plus l'objet lui ressemble, et plus il doit lui plaire, car cette sainte ardeur qui rayonne sur tout a d'autant plus d'éclat qu'elle l'imite mieux. Or, quant à l'homme, il peut tirer des avantages de chacun de ses dons, et si l'un seul lui manque, on le voit aussitôt déchoir de sa noblesse. Le seul péché lui fait perdre sa liberté et toute ressemblance avec le bien suprême, en sorte qu'il reçoit bien moins de sa clarté. Il ne retrouvera jamais sa dignité, sans bien remplir d'abord ce que vidaient ses fautes, payant d'un juste deuil ses coupables plaisirs. Votre nature humaine, ayant dans son ancêtre péché tout à la fois, fut à la fin privée de cette dignité, comme du paradis. Et si tu réfléchis avec attention, elle ne les pouvait recouvrer nullement, si ce n'est en passant par l'un de ces deux guets. Ou bien que Dieu lui-même, usant de bienveillance, pardonna, ou que l'homme eût enfin racheté par ses propres moyens son ancienne folie. Plonge donc ton regard au sein de cet abîme du conseil éternel. Autant que tu pourras, suis attentivement le fil de mon discours. Pour l'homme, il ne pouvait, à cause de ses bornes, se racheter jamais, ne pouvant pas descendre et de son repentir fournir le témoignage, autant qu'en sa révolte, il prétendait monter. Et pour cette raison, il n'était pas à même de satisfaire au ciel par ses propres moyens. Il fallait donc que Dieu, par l'emploi de ses voix, j'entends par l'une seule ou par les deux conjointes, vint restituer l'homme à sa vie intégrale. Cependant, l'œuvre étant d'autant plus agréable à celui qui l'a fait, qu'elle fait mieux la preuve de la bonté du cœur qui l'a conçue d'abord. La divine bonté qui modèle le monde voulut bien vous remettre à la hauteur d'avant, usant des deux moyens à la fois dans ce but. Depuis le jour premier jusqu'à la nuit dernière, on ne vit ni verra jamais de procédé plus noble et généreux dans aucun des deux sens, car se donnant lui-même, afin que l'homme pût se relever enfin, Dieu fut plus libéral que s'il avait voulu simplement pardonner. Pour sa justice aussi, tous les autres moyens étaient insuffisants, tant que le Fils de Dieu n'allait s'humilier en s'incarnant pour vous. Enfin, pour bien répondre à toutes tes demandes, je m'en vais t'éclairer certains autres détails pour que tu puisses voir aussi clair que moi-même. Tu dis, je vois bien l'eau, je vois aussi le feu, l'air ainsi que la terre et que tout leur mélange, qui se corrompent tous et ne durent qu'un temps. Pourtant, tous ces objets furent aussi créés. Et si ce qu'on m'a dit était la vérité, nulle corruption ne devrait les toucher. Les anges seulement, frères, et ce pur pays où l'on est à présent, furent d'abord créés, tout tels que tu les vois, et dans leur être entier. Mais tous ces éléments que tu viens de nommer, ainsi que les objets qui se composent d'eux, ne sont que le produit d'une vertu créée. Leur matière, en effet, était chose créée. La puissance informante, elle aussi, fut créée dans chaque astre qui tourne autour de leur destin. L'âme de l'animal ou celle de la plante vient aux complexions dûment potentiées de l'éclat et du cours de ces saintes lumières. La suprême bonté, cependant, fit votre âme immédiatement, la rendant amoureuse d'elle, pour qu'elle en soit sans cesse désirée. Partant de tout cela, tu pourras mieux comprendre la résurrection de vos corps si tu penses comment on a formé la chair de tous les hommes le jour où furent faits les deux premiers parents.